j'avais en mémoire des préceptes vitaux, misant tout sur l'espoir. C'était con, c'était beau. J'avais le souvenir des mots de mes aînés qui voyaient notre avenir sans les mots du passé. Le récit d'une grand-mère souffrante, fuyant une immonde bête jusqu'à l'autre bout de la France. J'entends souvent encore le trauma de mon père qui en Afrique du Nord a vomi une guerre. J'ai toujours en mémoire la mémoire des autres qui, parlant de leur histoire, la nôtre. Narrant le processus des ascensions douteuses et nous mettant en garde contre les ambitieuses propositions flatteuses, brillantes et populistes, les fondations vertueuses du totalitarisme. Brûle-botte, elle s'en capote, la France occupée, le Paris capote, bien sûr, le Père nous ferme les bottes. Une sirène, relent de haine, au polygon de sa tête de con, fière défense de la belle nation. J'avais tellement d'espoir en 60 millions d'esprits, mais je ne vois que des bêtes se masturbant l'envie. Médiocre et complaisant, stigmate d'une crise, les jouets à peine vivants d'un nain qui les méprise.